Chapitre 5 de la société et de la conversation. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine, enfin. Vous voulez, assis, me dire qu'il fait froid. Que ne disiez-vous? Il fait froid. Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige? Dites, il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez de m'en féliciter? Dites, je vous trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant? Qu'importe, Assis, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle, et de parler comme tout le monde? Une chose vous manque, Assis, à vous et à vos semblables, les diseurs de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout. Il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme, vous entrez dans cette chambre, je vous tire par votre habit et vous dis à l'oreille, « Ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que long, ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. » Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel, et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d'un grand, d'une cour du Nord. Il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme si elle en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes, et il en rit le premier, jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Séton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Séton à qui vous parlez lui-même et qui arrive de son ambassade. »